Tu sais, encore hier soir, je me demandais si parfois tu penses à ce que t'avais, ou même un peu à ce que tu avais. Je garde le sang-froid, j'écris dans mes notes ce que je ne peux pas dire à haute voix quand tu es. J'ai bien appris que contre toi, c'est perdu d'avance. Je me rends.